Bonjour and welcome to French Pod. I'm Erica Tremonti. Je m'appelle Amaury. Bonjour tout le monde. This is an intermediate lesson. Today we're going to go into the world of touch-tone telephones. Nous allons toucher beaucoup de personnes aujourd'hui, toute personne qui possède un portable ou juste un téléphone fixe. Do you think there's anyone who doesn't possess a telephone in the world? You didn't for a long time. Besides you. Bon, mais à part moi, je sais qu'il y a encore quelques personnes qui n'ont pas de téléphone, mais tu as raison, c'est rare. Yes. What would we do without telephones? When you have a telephone, there are things, there are responsibilities you have to take in the event you will not be there when someone calls. Right now, we're going to share in someone's moment. I'm deciding what is the perfect thing to say. Alors, on écoute le dialogue ensemble. Bonjour. Bienvenue sur le service SFR Messagerie. Pour modifier ou enregistrer un nouveau message d'accueil, appuyez sur la touche dièse. Après le bip sonore, vous pourrez procéder à l'enregistrement. Réappuyez sur dièse pour terminer l'enregistrement. Attention, le message ne peut dépasser 30 secondes. Bonjour, je ne suis pas disponible pour l'instant, mais laissez-moi un message et je vous recontacterai dès que possible. Ah non, non, c'est trop classique, je vais recommencer en chantant, tiens, c'est original. Salut, je sais que je vous manque, mais si vous me laissez vos coordonnées, je me ferai un plaisir de vous rappeler. Non, c'est horrible, je chante trop mal. Allez, cette fois, c'est la bonne. Comme vous avez pu le remarquer, je ne suis pas joignable, mais c'est promis, je vous rappelle au plus vite. Parfait. Message supprimé. Après le bip sonore, vous pourrez procéder à l'enregistrement. Non! Man, I hate having to do this. This is the worst part about having a phone. Well, let's experience this person's pain as he goes through the process of trying to figure out what to say on his message. D'accord. Well, first he has to talk to the little lady. The robot. The robot. Yeah. What does she say? Bienvenue sur le service SFR Messagerie. Okay, so these are good things, because if you're in France, you're going to have to hear these kind of things all the time on the phone. Tout à fait. And here she welcomes him on le service SFR Messagerie. SFR, ça veut dire Société Française de Radio Téléphone. Did you know that? Non, je ne le savais pas. Mais en fait, c'est un des principaux opérateurs téléphoniques en France. For cell phones. Oui. It's a cell phone provider in France. Voilà, donc dans ce cas-ci, on a bien un téléphone portable. And this is the SFR Messagerie. Donc le service messagerie. Okay. And here you can modifier or... enregistrer... un nouveau message d'accueil. D'accueil. You guys call it a welcome message. Oui, c'est le nom pour le message qu'on va laisser sur le répondeur. Okay. Because it's really not welcome. You're not there to welcome the person. Non, c'est vrai que ça semble bizarre. Yeah, it's not an accueil. It's a désolé, leave your... Okay, so pour modifier ou enregistrer un nouveau message d'accueil, what are you going to do? Appuyez sur la touche dièse. This is a very common sentence you hear when talking to electronic people in France on the phone. Appuyez sur la touche dièse. Une touche. C'est un synonyme de bouton, en fait, quand on parle d'un téléphone. Do you ever say bouton when you're talking about phones? Jamais. It's always la touche. Une touche, c'est ça, ouais. Okay. So this one's dièse, which is the pound key. Et ça, on n'est pas censé le savoir. C'est bon d'apprendre ici parce que la touche dièse... Yeah. The first time I heard it, I think I figured it out because it was the only one I didn't know the word for. I'm like, oh, that must be the pound key. Et donc la petite voix continue. Uh-huh. Et elle annonce donc après le bip sonore... So, le bip. C'est le son que ça fait. I always thought that was funny. So what will happen après le bip sonore? Vous pourrez procéder à l'enregistrement. If you want to finish l'enregistrement after you're done talking, il faut réappuyer sur dièse. Ok, pour terminer l'enregistrement. Ouais. Mais attention, le message ne peut dépasser 30 secondes. Voilà, si c'est au-dessus de 30 secondes. Like 31 secondes, then forget it. Pas de message, c'est pas valable. Okay, so something interesting about this sentence is they say le message ne peut dépasser 30 secondes. And there's no pas. They don't say ne peut pas, they say ne peut. for the negative. Ah ouais, le pas n'est pas là. Oui, parce qu'en fait, on a le verbe pouvoir. Et quand on a une négation avec pouvoir, on n'est pas obligé d'avoir le pas derrière. Yeah, it's not absolutely necessary. It's better though as a foreigner, I would say, just to put it in there. But don't be shocked if sometimes you hear it's not with the word pouvoir. Oui. Okay, so what was his first attempt at leaving a message? Bonjour. Je ne suis pas disponible pour l'instant. Je ne suis pas disponible pour l'instant. I am otherwise occupied. Mais... Laissez-moi un message. And then what? Et je vous recontacterai dès que possible. Dès que possible. I'm really hungry, so I want to eat dès que possible. Il faut attendre la fin du podcast. Je ne peux pas manger ici. Ok, I'll wait then. So, what's going to happen dès que possible? Je vous recontacterai. I'll get back to you dès que possible. Je vous recontacterai. Ouais. Why didn't he like that one? Parce qu'il dit c'est trop classique. Okay, everybody does that one. So, il va recommencer. Il veut quelque chose de plus fun. Il va recommencer en chantant. En chantant. That's an interesting idea. So, if you say recommencer en chantant, it means to chanter et recommencer à la fois, at the same time. Oui, au lieu de parler, pour faire son message, il chantera. Tiens, c'est original. Maybe it's original because... Parce que c'est fun. Because it's dumb. Ou c'est parce que c'est... To sing your message. It's original. Everyone races it after, like he's going to. But first, let's hear what his little song was. Tell it to us en chantant. Non, non, mais je vais pas vous faire ça. Je vais pas commencer à chanter. Why not? Bon, alors si vous insistez... Yes. Salut, je sais que je vous manque. Mais si vous me laissez vos coordonnées. Okay, that's fine. You don't have to sing anymore. Thanks. Okay. So, je me ferai. No, okay, that's fine. That's fine. Okay. Je sais que je vous manque. That's awfully presumptuous. He assumes that the person who's calling misses him. Bon, c'est un peu logique quand même. Les gens l'appellent, donc. So he says, je sais que je vous manque, which means that you miss me. Oui. Which is always hard to grasp. Even for me still. Je sais. It's hard. C'est la même chose pour nous qui parlons anglais. Hein? Yeah. C'est difficile. So it's good that so je vous manque, mais si vous laissez vos coordonnées. Very common expression. Tout à fait. To mean give me your info, your number, whatever. And then what? Je me ferai un plaisir de vous rappeler. So the expression is se faire un plaisir de. Oui. Give us some examples. Alors, par exemple, avant d'aller au théâtre ce soir, je me ferai un plaisir de venir te chercher. Oh, that's so nice. Pas de problème. So you'd be happy to come pick me up. Oui. All right. Or, for example, if your phone's broken, je me ferai un plaisir de te prêter le mien. Not really, but just for an example. You'll just lose it like you lost the other one. You can be borrowing. C'est horrible. C'est horrible. No. Like this guy singing, right? He says, je chante trop mal. Cette fois, so now he's like, all right, this time, it's going to be the last time. I'm going to get it right this time. C'est ce qui se passe généralement quand on fait un enregistrement. Yeah, what did he say? Alors, il dit, cette fois, c'est la bonne. What was the last one then? Alors, son dernier message. Comme vous avez pu le remarquer, je ne suis pas joignable. This is a good expression. Comme vous avez pu le remarquer. It's like, as you may have noticed. Exactement. Comme tu as pu le remarquer, I didn't have time to do my hair today. Comme tu as pu le remarquer by looking at it, right? What's another example? Comme vous avez pu le remarquer, je ne chante pas très bien. Oh, mais non, you sing great, Amory. I mean, I wouldn't advise you to sing your message d'accueil on your phone. You would? No, I would not. Ah. Yeah, so, but you still sing. C'est trop tard, c'est déjà fait. Okay, you might want to go fix it. All right, so, je ne suis pas joignable. Now, before we had, je ne suis pas disponible. Oui. And that's like, you know, I'm not available. Je ne suis pas joignable is the other expression you say on phone messages, I cannot be reached at the moment. Le résultat est le même. But. C'est promis, je vous rappelle au plus vite. Dude, I don't know, that's kind of a big claim. C'est promis. What if it's somebody that he doesn't want to talk to? Do you think qu'il le rappelle au plus vite? Bah, c'est promis, c'est ce qu'il a dit. Bon, après, il peut mentir, tu vois, c'est simplement pour être sympathique. Yeah, so I don't know, you should have thought that went through. So, au plus vite, is that the same as dès que possible? C'est exactement le même sens. Ok. Ouais. So he thought it was parfait, and then, oh. Il a appuyé sur la mauvaise touche. Oh no. So il a appuyé peut-être sur la touche étoile instead of dièse. Oh, what bad luck, hein? Faut tout refaire, tout recommencer. Yeah. Well, he's got three options now to choose from, so. Ok, let's listen to the dialogue again. On recommence et on réécoute la leçon. Bonjour. Bienvenue sur le service SFR Messagerie. Pour modifier ou enregistrer un nouveau message d'accueil, appuyez sur la touche dièse. Après le bip sonore, vous pourrez procéder à l'enregistrement. Réappuyez sur dièse pour terminer l'enregistrement. Attention, le message ne peut dépasser 30 secondes. Bonjour, je ne suis pas disponible pour l'instant, mais laissez-moi un message et je vous recontacterai dès que possible. Ah non, non, c'est trop classique, je vais recommencer en chantant, tiens, c'est original. Salut, je sais que je vous manque, mais si vous me laissez vos coordonnées, je me ferai un plaisir de vous rappeler. Non, c'est horrible, je chante trop mal. Allez, cette fois, c'est la bonne. Comme vous avez pu le remarquer, je ne suis pas joignable, mais c'est promis, je vous rappelle au plus vite. Parfait. Message supprimé. Après le bip sonore, vous pourrez procéder à l'enregistrement. Non! Do you do it like this person? You do it over like 5 times? Mais c'est très rare que ça marche en une fois. Yeah. Généralement, ça... ouais, au moins 3, 4, 5 fois. Je l'ai même fait en chantant une fois. No, you did not really. Ouais, pour essayer. Are you kidding? Non, ça c'est vrai. Okay, how did it go? Oh no, you're really gonna do it. Si, j'avais essayé. J'avais fait comme une espèce d'opéra. Are you kidding? Non, c'est vrai. Je ne suis pas chez moi. That's opera for you? Ouais, mais je sais pas. j'avais essayé. Bon, je n'ai pas gardé longtemps, je crois. Une journée. But you kept it. Ouais. Wow. Mm-hmm. You're a venturous message leaver. Ouais, je suis sûr que ça t'énerverait. Non, ce qui est marrant, c'est qu'on s'énerve de plus en plus quand on les fait, ces messages. Yeah. Yeah, they get worse, actually. Exactement. You should just keep the first one, I think. Probablement. Yeah. Well, except for this guy. I don't think he should have kept the first one. Look, well, his first one was good. It was just, you know, for him too classique. The last one was also kind of classique. Really? Aussi, ouais. Well, it doesn't matter because you lost it anyways. Yeah. Okay, well, if you have any questions, you can come to FrenchPod.com and ask us. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.